madame, il copie. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Sois un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. Et puis t'es copié, on t'en fout aussi. C'est la nouvelle version. J'ai une impression de déjà vu. Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit tout à la perfection. On peut avoir une deuxième chance? Merci. C'est parti. Le monstre, comment on le supprime? Eh bien, je suggère un truc de bonne femme, genre tisane, vous savez, la mauvaise santé par les plantes. In the land of gods and monsters, I was an angel. Living in the garden of evil, screwed up, scared. Shining like a fiery beacon, you got that medicine I need. Fame, liquor, love, give it to me slowly. Put your hands on my waist. d'aussi beau. C'est à pleurer.